Chapitre 4. La peur. Alors le prince vint à lui. Il lui posa fortement la main sur l'épaule, comme s'il prenait possession de lui, et d'une voix ferme, autoritaire, lui dit « Je suis maître de l'au-delà. »« Non, non !» dit le général, se débattant encore. « Et si je le veux, ces fantômes apparaîtront. »« Non !» Ici, chez vous, dans cette salle, devant vous. « Non !» Ils parleront. « Non !» Ils vous diront ce qu'il faut que vous fassiez. Ils vous dicteront la conduite que vous avez désormais à tenir. Non ! Et voici ce qu'ils vous diront. Général prévaricateur, assassin, tu as tué le père et dépouillé l'orphelin. Non ! Il faut, si tu veux vivre en paix ici-bas tes dernières années, si tu veux ne pas expier tes crimes dans l'au-delà, réparer le mal que tu as fait. Il faut que tu rendes à ceux à qui tu l'as pris le bien qui leur appartient. Il faut que tu remettes au prince Grigoriski ce qui est à lui. » Le général eut un nouveau mouvement de défense, de révolte. Il ne se contenta pas de répéter « Non, non !» Il cria « Je ne remettrai rien au prince Grigoriski. Les fantômes commanderont. Je n'obéirai pas aux fantômes. Gare alors. Parce que je ne pourrai pas obéir aux fantômes. Les millions du prince, t'as dit, je les aurais rendus à ceux à qui ils appartiennent. À moi ? Non ! À qui donc alors ? À la princesse Johanna. Elle est morte. On n'en sait rien. J'en fournirai la preuve. Alors à sa fille Amédéa, aux enfants de sa fille, enfin aux héritiers de Johanna, à ceux-là seuls qui ont droit à cet héritage. Et à moi ? Qu'est-ce que vous me rendrez donc à moi ? Rien, rien, rien ! Il répéta, donnant sur la table des coups formidables de ses poings énormes. À toi, rien. À Grigoriski, rien. Tu m'entends, rien. Tout est pour Amédéa. Tout est pour Johanna, pour Johanna. Le prince Grigoriski regardait le général. Il souriait. Il savait que ceux qui, pour affirmer leur volonté, frappent ainsi sur un meuble, se montrent violents, ne sont pas très sûrs de leur volonté, et savent déjà qu'ils céderont, et pensent le contraire de ce qu'ils affirment violemment. Mais il savait également que jamais il ne fallait contre les affirmations d'un faible, jamais il ne faut lui montrer sa faiblesse, car alors il se bute et devient plus obstinément ancré dans son idée que l'homme a la volonté la plus tenace et qu'il emploie cette force d'inertie que l'on ne peut vaincre que très difficilement et au prix d'efforts longs et constants. « C'est bon, » dit-il simplement. « C'est bon, je me retire, général. Je m'en vais. Adieu. Je croyais, en entrant dans cette maison, retrouver l'ami de mon père, revoir l'homme qui m'a connu tout enfant. Je me suis trompé. Je me retire donc, le cœur absolument désolé. » Il salua le général et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il dit encore « Je me retire, vous laissant, général, en face de votre conscience, et attendant que les fantômes de la divine Johanna et de sa fille Amédéa vous parlent, et vous montrent quel est votre devoir envers moi. » Le général ne l'accompagna pas jusqu'à la porte. Il se laissa aller, et il se tint debout à la même place, gardant les yeux fixés sur la porte que venait de franchir le prince Grigoriski. Puis, quand il crut que le prince avait le temps de gagner la cour, de sortir de la maison, il se versa un plein verre de vodka. L'ayant bu d'un trait, il remonta à son tour jusqu'à la porte et il appela de sa voix de tonnerre « Ossip !» Peu après, le majordome apparaissait. « Tu as entendu ?» lui cria le général. « Tu as entendu, puisque tu écoutes toujours aux portes. »« Non, général, pardon. Tu as entendu, puisque tu trembles comme une feuille, puisque tes dents claquent de peur. Tu as entendu qu'il parlait de fantômes, de fantômes. » Machinalement, Ossip tourna la tête vers le fond de l'immense salle, vers la porte, comme s'il redoutait de voir tout à coup apparaître des fantômes, voir surgir des habitants de l'au-delà. Quel cas de psychologie curieux que celui-ci. Voici deux hommes, deux soudards, deux durs à cuire, si l'on permet cette expression, qui avaient passé leur vie dans la bataille, luttant constamment, côtoyant la mort tous les jours, deux hommes impitoyables, cruels, pour qui la vie humaine n'était rien. Un général qui avait commandé les pires atrocités, fait fustiger, décapiter, fusiller des quantités de gens. L'autre qui avait transmis les ordres, qu'en avait exécuté quelques-uns sans la moindre hésitation. Et ces deux hommes, que tant de crimes, que tant d'horreurs laissaient indifférents, qui ne se sentaient pas le plus petit soubresaut de conscience, ces deux colosses, terribles, implacables, tressaillaient à la seule évocation de revenants, frémissaient quand on leur parlait de l'au-delà et tremblaient quand on les menaçait, de faire intervenir auprès d'eux des fantômes. Cette peur irraisonnée des fantômes n'était peut-être bien, en somme, que la manifestation de la conscience enfin révoltée. Les deux hommes se regardèrent alors, silencieux, affolés, et se tinrent un moment ainsi, attendant, tremblant, ils ne savaient trop quoi, dans leur peur. Enfin, le général osa reprendre la parole. « Cet homme, dit-il à Ossip, tu l'as vu, cet homme. Le prince Grigoriski, le fils de l'autre. Eh bien, jamais, tu entends, jamais plus tu ne le laisseras entrer dans ma maison. S'il y pénètre, tu m'entends bien, s'il y pénètre. Comme les balles ne l'abattent pas, lui, c'est sur toi que je tirerai, c'est toi que je tuerai. »